On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voilà, donc il est 13h30, et bien voici le retour du mardi après-midi pour l'émission. Voilà donc, et bien cet après-midi, on écoutera tout simplement et bien les chansons, mais les chansons des années 80. Disons un bon vieux souvenir avec sur les chansons qu'on entend, qu'on avait bien entendu et puis qu'on entend rarement tout simplement aujourd'hui. Donc on va les réécouter tout simplement, ça va faire donc un bon vieux souvenir. Voilà donc, et bien sans plus tarder, bien, je vous laisse avec Rose Laurence et puis juste après Mireille Mathieu. Génération Hit 80. Cheers.

Voici donc Jean-Pierre Madère et Pink Goldman. Un regard un peu fou sur la route de Memphis.

Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montisson à Saint-Jean-Ban pour découvrir Josh Freil et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en prévente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette prévente, rendez-vous au point de vente suivant. Un sado typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalish à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Glirou à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho del Nossa Terra à Orléans-la-Source. Les paniers du monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagnier, à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Josh Freil et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h, avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Jamais irão fazer os meus olhos chorar, porque o regresso irá chegar e eu voltarei ao meu país, ao leito que nunca esqueci. E à chegada do dia chorarei, vou ver a terra pequenina onde nasci. Eu voltarei, eu voltarei, para te abraçar eu voltarei e recordar. Terras que passei, tantos cenários de belezas que já vi, até estradas de ilusões já caminhei, cansado à sombra da esperança adormeci, e no meu dia a dia a minha alma chora, por um país no outro lado do mar. Nunca pensei que o adeus que disse outrora fosse a razão que agora me faz voltar. Eu voltarei, eu voltarei, para te abraçar, eu voltarei, e recordar toda a minha infância, tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei, para ficar, eu voltarei, depois de ver, foram tantas as saudades, mas finalmente cá estou. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. C'est le look, mes cocos, le démon de midi. C'est un tic, c'est un toc, c'est ça le son de minuit. Reste fun, reste zen, contre tous les interdits. Pas de soucis, tu te souviens de nos années 80. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Donc après cette chanson, voici donc eh bien retour avec Joe Dassin, Dalida et puis d'autres chansons tout simplement. Attendu, elle n'est jamais venue.

kind of things to do. Open the door. Yes, I live so true without my lover. But tell me if the sky is blue, how old are you? Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, it's true. Without my love, tell me if the sky is blue. How old are you? How old are you? How old are you? Génération Disco. Arc-en-ciel. Voici donc Noé Wheeler et puis juste après d'autres chansons différentes. Schumacher. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Los cabellos.

reste plus rien. Rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La voici donc les Rhythmic Soco, puis juste après ce sera les Latines.

yo de viento rápido me llevo y me echaré a volar en el cielo infinito. Marina, Marina. Suivi tout simplement qu'on sent deux, tout simplement avec début de soirée. Plus désert, dernière

sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel. Voilà, c'est du côté du Zouk. Et puis, juste après le Zouk, ça sera du côté du groupe Kaomar. Yeah, cheguei pra ninguém. Como um pouco bom, que não é pra levar. Só quando eu me fiquei no baby blue. Arc-en-ciel. tenir tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances sont super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues. Un petit corps bronzé, tes vêtements de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui sont pour toi. Je m'approche près d'elle, je souris et m'aider. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de plus si elle regarde. Quand tu bois de nuit, soirée champagne whisky. Ambiance folle. Forever.

Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage d'affaires, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Dizer através do voto, na última hora, se concordam que o antigo Ministro da Defesa seja o novo líder do Parlamento. Na Assembleia está a repórter Madalena Salema, que se junta em direto a este noticiário. Madalena, a eleição está demorada ou dentro em breve podemos ter resultados desse escrutínio? Ainda um pouco demorada. Já lá vão 45 minutos, ainda não terminou a votação para a eleição do Presidente da Assembleia da República. A chamada é feita por ordem alfabética. Vamos agora na letra M, portanto caminhamos para o fim, mas ainda faltará um pouco. Antes foram verificados os poderes de todos os deputados em funções e coube a José Cesário ler o termo de posse com que cada um dos deputados se compromete. Esta é, de resto, uma das novidades desta legislatura. Vamos ouvir. Posso. Eu, deputado eleito pelo ciclo eleitoral de nas listas do partido, tendo sido verificada a regularidade formal do mandato parlamentar, afirmo solenemente desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Este foi um ato de posse que veicula todos os deputados. Já votaram nesta altura Aguiar Branco, também Luís Montenegro. Só depois de terminada esta eleição para o Presidente da Assembleia da República, se inicia uma outra votação para a escolha dos quatro vice-presidentes. Essa votação não será feita em plenário, como está a acontecer agora na votação para o Presidente da Assembleia da República. Será feita numa sala à parte, a sala Dona Maria, mas também em voto secreto, em urna, tal como acontece aqui no plenário. E os nomes propostos para as vice-presidências são estes. O PS indicou Marcos Pestrelo, a Iniciativa Liberal Rodrigo Saraiva, a AD Teresa Moraes e o Chega Diogo Pacheco de Amorim. Este primeiro dia da nova legislatura no Parlamento fica marcado pelas críticas do PS ao primeiro-ministro indigitado. O líder socialista acusa Luís Montenegro de dar a mão a André Ventura na primeira oportunidade. Isto depois de se saber que o Chega vai aprovar o nome de Aguiar Branco para a presidência do Parlamento. João Alexandre. O PSD rejeita que se trate de um entendimento, mas para Pedro Nuno Santos não há dúvidas. O secretário-geral do PS aponta para um acordo entre Luís Montenegro e André Ventura para viabilizar cargos no Parlamento e defende por isso que, para o caso, pouco importam os votos dos socialistas. Não se preocupem com o voto do Partido Socialista, porque a eleição do Presidente está assegurada entre o Chega e o PSD. E, aliás, essa é a grande notícia do dia de hoje. É que depois de tanta separação e distanciamento, na primeira necessidade, o PSD e o Chega entenderam-se. Quanto a conversas entre PS e PSD, diz nem vê-las. Não fomos contactados. O líder do PS insiste na ideia de uma nova maioria. Portanto, não vale a pena nós estarmos a fazer de conta que não existe uma maioria.